dans le Nouveau Monde, la cachette de Booz. Il était trop dangereux de s'aventurer dans la forêt avec les rats. Trop dangereux de tenter de retrouver Mila et Berthold, surtout avec la blessure de Booz. Il tenait sa jambe bandée bien droite. Et je me suis évanoui. Il avait survécu aux rats. Et là, au cœur de la nuit, dans sa cachette, il me racontait comment. Quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus rien. Les rats étaient partis. Je me sentais mieux, excepté ma jambe. J'ai rampé hors du tractopelle, la galerie est, le chantier, tu sais. Nous, les creuseurs, on creuse pour agrandir le monde des Bifwish, pour que Wish City s'étende. On fait ça avec amour. Mais là, c'était pas du creusage. Tout était défoncé. Les bâtiments de chantier, le matériel. Pire que lors d'une guerre, je crois. J'ai levé la tête. Oh, par toutes les pierres! La lumière était si forte, ça me chauffait les yeux, Squeak. Il y avait comme que du brillant tout en haut, dans le grand trou. Comme s'il y avait une gigantesque explosion qui voulait pas s'arrêter. J'ai bien cru que là, c'en était fini de vous. En fait, c'est là que je me suis dit que je vous reverrai jamais. Et puis, va savoir pourquoi, peut-être parce que je voulais finalement pas laisser ma peau ici, je me suis levé avec ma jambe douloureuse et j'ai marché jusqu'à la paroi pour grimper. Le but, c'était d'atteindre le grand trou, de sortir vers le nouveau monde. J'ai grimpé, c'était dur. J'ai pas de mots pour décrire comment que c'était. Tu sais comment je suis, hein. J'ai grimpé, ça a duré des heures, ça m'a paru une éternité. Et plus j'avançais, plus la lumière en fait elle semblait moins forte. Je suis enfin arrivé en haut, et là, pour la première fois, je voyais les arbres, des oiseaux qui volaient dans le ciel, les nuages. Ah, les nuages. Des trucs tout blancs que je savais même pas ce que c'était tellement que c'était bizarre. Des trucs fous. Des trucs... Ma jambe saignait. Je me suis évanoui à nouveau. Et quand j'ai rouvert les yeux... Eh ben mec, t'as dormi au moins un jour entier, c'est pas banal. Je t'ai allongé sur cette feuille. Ici, là où on est, au cœur de cet arbre. Et devant, une chauve-souris. C'est un être étrange avec des grandes oreilles, des ailes comme il dit, qui sont fines. En fait... C'est des grands bouts de peau très fins qui pendent sous ses bras. C'est un truc qui vole. Où je suis? Enchanté, moi c'est Bender, chauve-souris Top Gun. Chauve-souris Top Gun. J'ai vu le film Top Gun avec Tom Cruise. Oh yeah, mettez Maverick à la rescousse. Watch out, Charlie Tango. Allo, papa, Charlie Tango. Allo, papa, Charlie Tango. Et tu connais mon chemin? Non, c'est qui? Un bâtisseur? Un bâtisseur? Non, un chanteur, man, pas un joueur de tennis. Et quoique, maintenant, Mamie avec Noah se met à faire de la musique. Si on peut appeler ça de la musique. J'ai mal à la jambe. Ouais, je sais, ça craint, hein. Je l'ai bandé. T'inquiète, tu vas guérir. Enfin, je crois. Des médecins? Non, disons que j'en ai connu des médecins. Enfin, bref. T'as peut-être faim? Moi, j'ai la fringale. Au fait, j'en oublie de bonne manière. C'est quoi ton petit nom? Booz. Moi, c'est Booz. Je suis un Bifwish. Enchanté, Booz le Bifwish. Bender, c'est lui qui m'a soigné. C'est lui qui m'a raconté son monde. Mais pas un seul jour j'ai arrêté de penser à vous. Toujours. Toujours vous étiez avec moi, dans ma tête. Et on passait de longues soirées à discuter. Je lui ai parlé de Wish City, du monde des cavernes, du monde de Bifwish, du grand trou qui est apparu découvrant le nouveau monde, quand nous, on a commencé à creuser. De Mila, de toi, mon vieil ami. Des bâtisseurs, des creuseurs. Et l'arrivée des rats. La guerre contre les rats. Ratis et tout ça. Booz baissait la tête. Quand il l'a relevée, c'était pour me regarder si tristement. Et lui m'a raconté son histoire, Squeak. Et là, j'ai su que... Quelle histoire, Booz? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? L'histoire du laboratoire. Ratis. Il vient de ce monde-là, Squeak. Il vient du nouveau monde qui te faisait tant rêver. Je sais. Il y a des êtres plus grands encore que ça. Des géants. Plus grands encore que la plus grande des tours de Wish City. Ratis en avait parlé quand on a découvert les rats. Tu te souviens? Les humains. Humains, hommes, ils sont comme nous, Squeak. Ils ont des laboratoires. Et Ratis était dans un de ces laboratoires. Tout comme Bender. Et Bender sait des choses sur Attis. Comme... Comme quoi, Booz? Je ne sais pas si... Enfin, j'espère qu'à Wii City, ils sont encore vivants parce que... Parce que les rapportent une maladie très mauvaise. Très très mauvaise, la maladie. Quand quelqu'un est mordu, il meurt en 2 semaines. Et la maladie se propage. J'ai pas très bien compris comment, mais... C'est ce que Bender a dit, en tout cas. J'ai dévisagé Booz. À quoi j'ai pensé à ce moment-là? À rien, peut-être. Ou à tout. Tu as été mordu? Oui. Mais je suis vivant. Parce que Bender, mine de rien, il connaît des tas de trucs pour une chauve-souris. Alors, t'es guéri? Si on veut. Comment ça? La maladie, à moi, elle me fait rien. Mais si je saigne sur quelqu'un, si j'éternue dans un endroit confiné comme... Comme Wish City. Comme les grottes de notre monde. Ouais. Si je fais une seule de ces choses, je tue tout le monde. Pas sympa, hein? Non. Pas trop. Et sinon, vous, ça va? Une larme. En tout cas, un peu de brillant dans le coin de l'œil de Booz.